peur. Je préfère les erreurs, les ordures et les fleurs se rejoignent après quelques heures. Car parfois, mes erreurs je sais que mon ardeur n'aurait jamais été meilleure. Disponible et mon cœur ouvert à toute erreur, même les emmerdeurs et des routes et les leurs. Voici ça fait du beurre.